J'étais avec Sonia puis Dorothée. Connaissez-vous Sonia? Dorothée? Une est photographe. L'autre est de gauche. Puis avec moi aussi. Donc, mais moi, je suis un photographe de gauche. Il n'y a pas grand-chose à... Non, non, attendez, je vais vous mettre en circonstance. Non, non, partez pas, restez. Bord la porte. Raymond, bord la porte. Bord la porte. Ils veulent prendre de la poudre de notre escampette. On veut les garder à côté de nous. On a des histoires à raconter. C'est bon. Je sais les histoires avec Dorothée et Sonia. Nous étions au cimetière, si, au cimetière. Attends, ne t'en va pas. Aujourd'hui, le lundi 23 mars 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Excusez-moi. Non, mais je pensais que l'harmonica était plus longue. On est déçus souvent. On est... Oui. Il y a plusieurs sortes. Il y a des... Avez-vous vu les petites miniatures, là? Tu te places juste ça sur les lèvres et puis tu peux jouer. Elle doit mesurer... Attendez, je vais vérifier auprès de moi. Bon, un bon 2 pouces. 2 pouces. Dans ma prairie où j'entends mon cheval gémir. Non, c'est énigmatique. Dans ma vallée, j'ai vu passer mon cheval dégonflé. On l'avait placé sur un nuage gris. Il voulait s'envoler comme la vie. Et soudainement, il ne sait plus quoi faire. Après 20 ans de vol et de romance, le ciel était aussi joyeux que l'eau. Il ramassait toutes les flaques d'eau que le rossignol regardait. Oh, Et après coup, il est tombé sur terre avec sa bride et ses 14 cheveux. Mon animal. Chez nous, on dit un animal. On dit pas animal, animal. On est dans le creux de l'Estrie. On est né là avec... Il y avait mon parrain. Gildor, mon parrain. Gildor. Et puis lui, son but premier, c'était d'être heureux. Il est venu au monde, puis il voulait l'être. Sa mère était pas capable d'atteindre ça. Elle était pas capable de rien. Elle disait tout le temps, je suis pas capable. Oh, pas capable. Lève ton plancher, pas capable. Pas capable. Fais souper. Pas capable de souper. J'en ai soupé de ton souper, moi. Moi, ce que je voudrais dans la vie, c'est petit déjeuner, dîner. Saute le souper. En Belgique, qu'est-ce qu'ils font en Belgique? Ils déjeunent, ils dînent et ils soupent. Qu'est-ce qu'ils font au Québec? Ils déjeunent, ils dînent, ils soupent. Le petit déjeuner, le dîner, là, c'est juste pour les extrémistes européens qui s'en viennent chez nous manger de la baguette avec des coupes de vin. Puis du fromage. Du fromage bleu. Plus ça pue, meilleur c'est. Ça me fait penser à ma dernière femme. Ah, moi, ça sentait de la chenantôle, ça. Oh là là, on l'aimait. Elle s'aimait. Puis quand elle sentait meilleur... Ça, c'est surprenant. Rapproche-toi, Raymond. Quand elle est morte, là, ben moi, j'étais parti en voyage. J'avais mon voyage. Elle criait tout le temps après moi. Je lui ai dit, OK. On va prendre du recul. Alors, je me suis reculé, tu sais. Reculé. J'ai embarqué dans un taxi à reculons. Puis, je lui ai dit au chauffeur, partez direction aéroport. Il est parti à l'aéroport avec moi. J'étais là, moi. Parce que c'est moi qui l'ai dit, puis c'est moi qui paye. Fait que, on s'en va à l'aéroport. Une fois rendu à l'aéroport, j'entre là-dedans. Là, il est arrivé, hein, il avait arrivé, parti, destination. Ostination, ça me faisait penser un peu à ma vie amoureuse. Fait que là, je lui dis, à quelle place, là, il faut que ça soit francophone, hein? Peut-être Belgique, Suisse. Québec, je veux passer outre. je veux voler de mes propres ailes et puis arriver peut-être de l'autre côté du fleuve et ou de l'océan en Arctique, à l'Arctique de la mort. Je continue. Et puis, viens, le doigt s'est arrêté. Paris. M'en va à Paris. Pas en avion, mais j'avais déjà mes passeports, tu sais. Ben oui, c'est un agent très secret. On a des passeports. Tu me dis le nom, moi, tu trouves ton passeport. Fait que là, moi, je suis parti sur le nom et le prénom Reynald Gagné. Là, ben, tout ça, il découle bien, malheureusement une émission qui s'intitule Errance Reynaldienne, où ça en est gênant. J'ai écouté quelques brides. Ça n'a aucun bon sens de laisser ça jouer dans nos oreilles, mais en même temps, c'est rafraîchissant. C'est comme des pépites de champagne. Avez-vous... Il n'y en a pas des pépites de champagne, vous? Vous avez jamais essayé ça, des bulles, mais pas des pépites. Des pépites d'or, mais pas des pépites de champagne. Vous n'avez pas d'imagination, vous? Ça n'existe pas? Non, bien, c'est sûr, ça n'existe pas, mais débloque là-dessus, là. Monte à un état suprême. Tu sais, quand on dit septième ciel, là, c'est que tu montes en haut de l'escalier. En haut de l'escalier, il y a tout mon passé. En bas de l'escalier, il y a tout ce qui se trouve. Non, c'est pas très beau, ça, là. On dirait que l'inspiration... Non, c'était beau au début, mais ça a comme dégénéré. Et puis là, direction Paris. À Paris, j'arrive là. Même auberge de jeunesse. 18e. À Baisse. abaisse pas, elle monte. Et puis c'est beau, là, les abeilles. Quand tu arrives dans la bouche d'ose de l'arrêt final des abeilles, si tu sais pas le truc, moi je vais te le dire, là, prends l'ascenseur. Utilise pas les marches. Il y a 272 marches à monter. Quand tu as un sac à dos, ça ne tient plus. On dirait que les genoux te rentrent dans les jarrets. Les jarrets te rentrent dans les mollets te rentrent dans les orteils. Les orteils ne sont plus capables. T'es comme la langue, là, quand tu la tires, tu es déjà rendu à terre. Et c'est long. Moi, tu sais, je voyage léger, heureusement. La seule chose, je minimise le linge pour amener des appareils électriques histoire de ou sonores pour capter des ondes, capter des invités, capter le son présent, capter ma réalité. Ça fait que là, j'arrive là-bas. Et puis donc, j'avais promis à une amie d'aller prendre des photos avec elle. Puis, comme elle a très peur de mon identité, tu sais, je suis connu, puis le monde, on peur. Elle a dit, je viendrai pas tout seul, mon Rat Pack. Je viendrai pas tout seul, mon Rat Pack. Je vais amener une amie à moi qui s'appelle Sonia. Ah ben. T'sais, au lieu d'être offusqué, moi, j'étais heureux d'avoir deux filles avec moi. Je dis, mais écoute, Puis là, je les invitais le soir à aller voir un spectacle extraordinaire de gauche. Tu sais, un beau concert qui te fait dire, continue dans cette tranchée-là, c'est ton monde, c'est ta réalité, c'est ce qui te fait plaisir. C'est Marc avait. Marc M-A-R-C avait t'as rien à acheter sauf ses disques. H-A-V-E-T, Marc avait. Et j'invite les deux filles, Dorothée puis mon amie Sonia, à venir avec moi en soirée voir ce spectacle anarchiste, pamphlétaire, extraordinaire. Mais avant, on s'en va prendre des photos, des clichés. Mais comme les clichés, nous autres, on est loin d'être clichés. Ah, mon Dieu, on a parlé de plein de trucs, puis on a refait la vie, le monde, politique, amoureuse, de notre condition de terrien. Où sommes-nous actuellement? T'sais, on se posait des questions. Et puis, on prenait des photos aussi. On a rencontré des chats. Parce que au cimetière Montparnasse, Montmartre. Il y a des chats qui sont laissés à eux-mêmes, mais il y a des gens qui s'occupent de ces chats-là au même titre qu'on s'occupe des fleurs et des accessoires qui sont sur les tombes. Donc, il y a des gens qui viennent arroser les chats, puis arroser aussi les fleurs. Puis. Et on n'a pas pris des photos avec des chats. Oh, mais ils sont vraiment photogéniques, ils le savent. Hein, mais ils vivent à travers des ondes, hein, ouais, exactement, des mondes parallèles. Et puis nous, on n'était pas vraiment parallèles, là. On était perpendiculaires à l'avenir et on discutait de plein de trucs. À un moment donné, on est tombé, on s'est tombé dessus, mais avec plaisir, hein? On ne s'est pas relevé de suite. Il fallait communiquer. On était le même. Là. On avait un plaisir fou. Hein. On est tombé plusieurs fois. Oh, il manquait juste là, de la boue pour s'en tirer. Puis, plaisir. Là. Mais animal précaire. Oh, c'était ça. En plus, dans un cimetière, c'est beau. On est passé à côté de Dalida. On lui a dit... On va te raconter, avant de te quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Tu étais quatre amis, tu étais, nous étions trois amis. Ouais, il y avait Dorothée, il y avait Sonia, puis il y avait Renal. Et on te regardait devant ton Hollywood. Ah oui, tu seras le plus beau, le plus grand, le plus fort. On va faire. Mais quand il arriva, la foule s'écria. Tout le monde ensemble, OK? On y va? C'est Arriva Gigi Giovanni. OK? Un, deux, trois. Non, j'ai dit trois. Enlève l'écho. À trois, on va chanter ensemble. Arriva Gigi l'amoroso. C'est pas compliqué, là. Au cœur d'amour que le velours comme une cadeau. OK, vous la connaissez, on y va. Êtes-vous prêts? Un, deux, trois. Arriva Gigi. À chanter, voyons donc, c'est vous qui allez faire la... Vous allez faire les chœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au moins mes deux filles préférées, là, hein? Dorothée, Sonia, on y va. OK. Les autres vont suivre. Écoute, ben, on est des Québécois. On suit le troupeau, nous autres. On dérange pas, puis on veut voter, vivre le Québec libre, puis on veut se séparer, mais on a peur de se séparer. On veut s'aimer, mais on a peur de s'aimer. On veut se rencontrer, mais on a peur de se rencontrer. On veut serrer la main, mais on a peur de la Corona. Moi, la Corona, j'ai rien contre la Corona. Oui, c'est pas ma bière préférée. Puis encore moins en virus, là. Je sais pas, là. Quand ça débouche, je t'attrape. Psh! Oh non, j'ai attrapé. Non. Je vais vous la conter avant de vous quitter. L'histoire des petits villages près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis. C'est là. On passe des étapes, madame. On passe des étapes. C'est comme la vie, on passe à la mort. On est au cimetière Montmartre, OK? Devant Dalida, la statue de Dalida. La grande Dalida. Oui, ce soir, nous sommes ici pour prier devant deux pécheresses, Dorothée et Sonia. Oui, elles ont péché puisqu'elles ont donné la vie. Donc, la virginité n'est plus. C'est dommage. Très dommage. Donc, n'ayant plus de place au ciel, nous allons les endurer ici sur le thème. Pas trop longtemps. Beaucoup de pécheresses sur le thème. Beaucoup de pécheresses. Trop de pécheresses. Ah, il y a de la pécheresse là. Et il y a de la pécheresse qui ne sait pas pêcher. Mais il y en a qui savent très bien taper le poisson. On y va. 1, 2, 1, 6, 12, 15. Je vais vous la conter avant de vous quitter. L'histoire du petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis. Hey Jojo, t'es parti là-bas où tu pensais faire un succès bœuf? Mais non! Il y en a des clowns comme toi pour se représenter puis se croire qu'ils sont des vedettes. Beaucoup de créateurs. Et très peu d'élus. Comme disait Giorgio Malardi dans son passage « Effrénez-moi ». C'est beau, « Effrénez-moi ». Il disait... C'est beau le succès, mais c'est qu'il faut c'est d'être et de se retrouver devant des oreilles attentives. Faut-tu que je te donne un countdown ou quelque chose? Yo, l'été c'est tellement bon quand t'as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter. Pour le fils de patron, ben c'est les vacances. Mais pour la fille du restaurant, c'est les sueurs pis les clients. On dit que l'hiver est blanc comme un nuage, mais ça évidemment c'est dans le chalet près du foyer. Dans le fond c'est salissant au prix siège chauffage. Y'a pas de pire moment de l'année quand t'es pogné pour tant d'été. Imaginez le printemps dans un Québec indépendant. Avrari da di, avrari da di lam. Up da la da lam, up da la. Je vais faire un court résumé de 75 minutes. Mais imaginez-vous plus long que l'histoire racontée. C'est fou, hein? Encore là, du plaisir. On se touche pas, moi, de ce plaisir. C'est lui comme ça. Et donc, on décide de prendre beaucoup de photos. On a du plaisir. Hein? Bon, on va dans plusieurs allées, plusieurs sarcophages. Non, épitaphes, parce qu'on n'a pas creusé pour arriver au sarcophage. Oh non, j'avais mal au dos. Moi, j'avais un lumbago, puis Dorothée avait aussi un petit mal au niveau de la jambe, de la jambette. La petite triplette en bas, là, tu sais, ah, elle avait mal. Non, puis elle a comme une courbe au niveau du dos, puis elle peut pas trop. Mais quand elle bouge, ça va mieux. On doit s'arrêter quelquefois. Mais Sonia, elle allait très bien. Ah, très bien. Elle partait à gauche et à droite, surtout à gauche, prendre des photos, revenir après, puis nous dire, ah, c'était merveilleux. Puis bon. Et puis, on décide de quitter pour quand même se réapprivoiser à Marazaznier. Pardon? Moi, je sais le dire, sans aucun accroc. Réapprivoiser à Marazaznier. C'est réapprovisionner. C'est en plein ça. On avait un petit creux au niveau de la bédaine, mais moi, un plus gros creux parce que j'ai une plus grosse bédaine. Eux autres, hey, voyons donc, c'est fait comme une Québécoise. Là, les poules, les os, puis la parole, c'est juste ça. Et donc, on décide de... Bonjour les amis! On décide d'aller manger, mais qualité-prix. Tu sais... Moi, je ne vais pas dans n'importe quel restaurant rapide. Moi, la moulée de clown, non merci. Puis là, il y en a... C'est Dorothée qui me dit, « Hey, on va aller chez... » À l'endroit où on grille la viande hachée sur le barbecue. J'ai dit, « Quelle bonne idée! » Fait que là, on se dirige à la section Barbès. Ouais, mais là, on se trouvait dans le 18e. OK, on sort du 18. On va vous raconter. Clichy, hein, bon, le cliché. On descend pour se rendre au Barbès. Et on parle de plein de trucs. Elle m'arrive avec l'histoire des Rat Pack. Ma version à moi, je vais vous la raconter. Je vais décocher le micro parce que ça risque d'être assez long. Non, mais je voulais déjà balancer. Là, c'est Sammy Davis Jr., Dean Martin, puis Frank Sinatra qui rentrent dans un hôtel après une soirée bien arrosée. Bon, la pluie était abondante à l'extérieur, donc ils arrivent tout à fait détrempés. Et ils tournaient à cette époque-là un film avec une actrice dont j'oublie le nom. Et puis, elle les entend. Ça chante. Elle ouvre la porte. Elle les voit tout dégoulinant, les cheveux tout croche. Elle dit, ah, regardez-moi les Rat Pack. Bon, ça, c'est ma version. La version de Dorothée, c'est tout autre. C'est Humphrey Bogart qui avait un groupe d'amis et il s'appelait les Rat Pack. Il faisait à peu près la même fête que Dean Martin, Frank Sinatra puis Sammy Davis Jr. Donc, ils aimaient bien rigoler puis lancer. Puis bon. Et puis, mais c'est lui qui avait donné ce nom-là à ce groupe. Et puis, Frank Sinatra, à un moment donné, a dit, ah ben, est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là? Puis, Humphrey Bogart adorait Frank Sinatra. Il dit, ben oui, utilisez-le. Et c'est eux qui ont popularisé le Rat Pack, selon Dorothée, et non pas mon histoire. Préférez-vous la mienne ou la sienne? Non. Là, on va faire un vote. Si vous préférez la mienne, vous me le dites, vous m'écrivez à renalquebec@commercial.com. Je vais le dire plus lentement. Ouais. Dis-le plus rapidement. OK, on l'a pris en note. Non, renalquebec@commercial.com. Reynald, RAYNALDQUEBEC, @commercial.com. HOTMIL.COM. Alors, si vous trouvez que mon histoire est plus intéressante, vous me le dites. Si celle de Dorothée vous plaît davantage, vous me le dites. Donc, dans les quelques semaines, je vais lire toutes les missives et j'en choisirai quelques-unes pour les relater à mon émission dans les prochaines semaines. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on a été manger nos burgers extraordinaires. On a pris le format King, hein, parce qu'on est des rois, puis j'avais deux princesses. Moi, j'étais le fanfaron. Non, comment t'appelles ça? Pas un fanfaron, un joker. Un joker, c'est gentil, lui. Ton nom, ton numéro de téléphone? On va t'envoyer des bras, on va t'arranger ça, nous autres. Des bras. Non, tu préférais des pieds? OK. Combien de pieds? On va te faire un poème là-dessus. tu connais pas la poésie, tu connais pas le nombre de pieds. Bon, on va te les donner au derrière. Aimerais-tu ça au derrière? Par-dessus, par-dessous. Bon. Et sinon, après ça, on s'est retrouvés en fin de soirée au spectacle très intime de Marc Havet avec son compagnon, dont j'oublie le nom. Désolé pour toi, mais c'était extraordinaire. On a eu un plaisir fou, on s'est marré parce que il retraçait puis il titillait tout ce qui nous il nous intéressait, nous. Tout ce qui nous amenait à se lever le matin, puis à brandir notre drapeau, puis à vouloir changer un peu la situation pour l'améliorer, non pas simplement pour nous, être narcissique, mais pour nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants et la génération à venir. Donc, même si ce sera la même chose, il n'y a rien qui changera. On va se réveiller le lendemain matin, puis devant un croissant et un spaghetti, on va se demander, on prend-tu un spaghetti ou un croissant au petit-déjeuner? On prend le spaghetti, on est des révolutionnaires. Vive la vie, vive l'amour et vive la compagnie! Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour nous d'accueillir sur notre album le légendaire Chill! Tout le monde est malheureux, tout le monde est malheureux, tout le monde est malheureux, tout le temps, tout le temps. Tout le monde est malheureux, tout le temps, tout le temps. Tout le monde est malheureux, tout le monde est malheureux, l'argent, tout le temps, tout le monde est malheureux, tout le temps, tout le temps. L'argent pour faire l'amour, tout le temps, tout le temps. S'il y avait moyen, tout le temps. Tout le monde veut de l'argent. Beaucoup. Tout le monde. Tout le temps. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup d'argent. Même les gens du genre pas indigents pour deux scènes. Si t'es gâté puis t'es capé, en ont toujours besoin de plus. Imagine le ticus qui passe au marché aux puces. Pour que sa douce le suive jusqu'au bout. Il faut que ça pour ça tienne le coup. Ça peut paraître odieux, mais les dames nous aiment pour nos beaux yeux. En tout cas pas tout le temps. Puis l'amour pour être heureux. L'amour pour être heureux, la vie de l'homme. L'amour pour être heureux tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Heureux et malheureux, l'homme. Heureux et malheureux, ah, la vie de l'homme. Heureux et malheureux, souvent la plupart du temps. Tout le temps. Malheureux en amour, malheureux en amour, la vie de l'homme. Malheureux en amour, des fois, souvent, tout le temps. Malheureux en amour, mais qu'est-ce qu'un amour heureux? Y'a toujours un amour qui est malheureux. Un des deux qui est pas ce qu'il veut, s'il avait, il serait pas mieux. Une qui aimerait mourir d'amour au lieu de flamber un petit peu. Sur la rue, en route, tu relutes, tu relutes, que la hutte sous les hupes. Ah, hop, hop, hop, hop, là, ma flûte dans mon feu qui est dur comme une patate dans une poche de jute. Viens, mon gros joue-flûte, tu vas jouer du pipeau. Que je me dis sous ma perruque sans un souffle. Macanatada, malheureux en amour, tout le temps. En amour avec toi, ta vie, en amour avec toi, la vie de l'homme. En amour avec toi tout le temps. Avec toi tout le temps. Tout le temps. Toujours. Avec ton petit badouk, ta vie de l'homme. Avec ton petit badouk, ta vie de l'homme. Avec ton petit des autres tout le temps. Tout le temps. Ben tout depuis tout le monde. Ben tout depuis tout le monde. Ben tout depuis tout le monde. Ben tout depuis tout le monde. Ben tout depuis tout le monde. Tout le temps. Québec, petit pot, pas de fête. Papi, toi, t'as pas sur mon porte-ressort. Où tu vas finir sur le fait sort. Le mort à la terre, pays bipolaire qui n'en a pas l'air. T'as peur de disparaître comme les ours polaires. Dame, dilly, dame, dilly, dilly, dilly, dame. Membre dans la danse, messieurs, mesdames. C'est-tu jeune qui colle, on tourne en rond. Dans le rigodon de la fédération. Un pas à gauche, deux pas à droite. Y'a roi, y'a quatre. Tout le monde est malheureux, dame. Tout le monde est malheureux, dame. Tout le monde est malheureux, tout le temps. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le temps. Tout le temps. Tout le monde est malheureux. Tout le temps. Tout le temps. Parlez de dans la douleur. De plus souffrir un instant que l'on n'est plus de la douleur. aujourd'hui, oui, le lundi 23 mars 2020, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète, et rédacteur en chef d'un site internet sur la musique, mon ami et le vôtre. Dans quelques minutes, vous allez sans doute, comme moi, tomber sous le charme de cet homme extraordinaire. Il s'agit de... On va le nommer, faites-vous-en pas, madame. On va le nommer. Oui. On n'a aucune gêne à proposer les êtres qui nous ont plu en 2019 et en 2020. Son nom, Nicolas Vidal. Alors voici, à partir de maintenant, cet être extraordinaire qui vous enchantera autant qu'il m'a interpellé lorsque nous nous sommes rencontrés. À toi l'artiste! Prends après, on reste à l'intérieur. Comme tu veux. Peu importe. Bonjour. Allô, Nicolas. Enchanté. Excellent. Ça va bien? Alors, tu as vu la photo de Pierre Fay et ta réaction? Moi, j'ai vu ça. Moi, je viens de partir et j'ai vu ton. Ben oui. Alors, il te salue. Ah, ben voilà, j'allais dire. Il est... Je ne savais pas qu'il était à Paris, en fait. Je ne savais pas s'il était rentré ou pas. Oui, il est rentré et on était au Bruin. D'accord, ok. Mais là, il y a longtemps, et bien longtemps, à 9h30. Ah oui, d'accord. Oui. Ce matin. Là, je suis rendu à ma quatrième rencontre. Pour la journée? Pour la journée. Mais là, j'en ai encore deux autres. C'est vrai? À part le tien. Ah ouais, t'en chaîne alors. Ah oui, oui. Si vous y allez en terrasse, c'est possible, hein? Ben non, on va rester ici. Merci. Tiens, je t'ai ramené un disque, du coup, quand même, que je t'offre mon album. Merci. Et puis, ben moi, je t'ai connu grâce à ce titre-là. Ben à ce disque-là. À ce disque-là, ouais, ouais, ouais. Je t'ai même envoyé un courriel, tu t'en souviens? Oui, tout à fait. Rempli de... Tout à fait. Rempli de surprises et de... Ben en fait, ce qui m'a plu... Je vais te dire, c'est ce qui m'a plu. Juste vérifier si tout est correct. Parfait. C'est bien équipé, dis donc. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Une belle coiffure. C'est ça, on dirait des peluches un peu. Oui. Mais dans les années 80, il y avait des figurines avec les cheveux. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Ben, Nicolas, bonjour. Bonjour. Et bonsoir ou bonne nuit, dépendant de la diffusion. Ça dépendra. C'est ça, ben, balado-diffusion, on peut s'écouter n'importe quand. C'est on peut bien ça. Ben oui, ben voilà. C'est ça l'avantage. Nous sommes en 2019. Exactement. Exactement. Ben moi, je t'ai connu grâce à ton album Bleu Pixel. Ouais. Et ben après, ben, là, je suis allé voir, bien sûr, sur les sites internet, qu'est-ce que tu faisais. Oui. Et j'ai vu que tu travaillais avec beaucoup de personnes. Que tu étais dans plusieurs projets. C'est ça. Et tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Et donc, depuis quoi? Début des années 90? Oh non, plus tard, depuis le début des années 2000, en fait. À la base, je faisais du théâtre, je ne faisais pas du tout de musique. Et puis, je suis venu à la musique par l'écriture, en rencontrant un compositeur qui avait lu les textes, poèmes que j'écrivais et qui m'a dit « Ah, mais ça ferait des super chansons, donne-moi quelques textes, je vais essayer de faire des mélodies dessus. » Donc ça a démarré comme ça. Et c'était complètement inattendu, en fait. J'avais pas du tout prévu de faire de la musique. Mais ce disque-là, est-ce qu'on peut le nommer comme de l'électropop? Oui, bien sûr. Okay. Ouais, c'est tout à fait ça. Okay. Ouais, c'est vrai que je creuse un peu ce sillon-là d'électropop française qui dure depuis les années 80, mais qui a... Mais on peut entendre aussi un peu de... d'Étienne Dao à travers tout ça, un peu de la pop française avec la voix en avant, mais des termes, des mots que tu chapeautes, donc tu as une écriture à toi. Oui. On compare, sans doute qu'on doit te comparer souvent à Étienne Dao. Oui, beaucoup. En fait, ça va t'emmerder? Ça dépend, non, je le prends plutôt comme un compliment parce que j'adore Étienne Dao. Après, c'est vrai qu'on a toujours envie de bon, l'expression est un peu forte, mais de tuer le père, quoi. Donc en fait, Étienne Dao est un catalyseur à un moment donné parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, que j'aime beaucoup vraiment, dont l'univers et le musical notamment m'a beaucoup influencé. Mais bizarrement, j'ai l'impression que dans ma musique, il y a d'autres compositeurs qui m'ont beaucoup influencé, mais qui sont un peu moins connus ou dont on parle moins. Donc du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'Alain Chamfort ou Jacques Nau, par exemple, m'ont plus influencé musicalement qu'Étienne Dao. Je pense qu'Étienne Dao, il m'a vraiment donné envie de faire de la musique. Et après, effectivement, mort malheureusement trop jeune. Oui. Et c'est, pour le coup, Jacques Nau, musicalement, qui avait d'ailleurs travaillé avec Étienne Dao, qui a produit son premier album, mais musicalement, je pense que j'ai été beaucoup plus influencé par Jacques Nau en termes de sonorité, les sonorités, tout ce qu'il a fait avec Elie Medeiros, ou même ses projets solo qu'il a fait ensuite, qui ont eu peut-être un peu moins de succès, qui étaient un peu moins connus, moins commercial peut-être aussi. Voilà, moins exactement. Mais il a écrit jusqu'à la fin des mélodies sublimes. Quoi. Et c'est intéressant aussi Alain Chamfort, puisque c'est un type qui s'est quand même agrippé jusqu'à la fin. On l'a jeté de sa maison de disque, il a quand même poursuivi. Puis, et il continue à avoir du succès. Et les gens, on sent aussi la demi-teinte dans certaines chansons, un peu à Alain Chamfort. La subtilité, la voix en avant, l'orchestration qui vient enrober tout ça. Non, je t'écoute. Okay. Qu'est-ce qui te fait partir sur une chanson? Est-ce que c'est la chanson ou les paroles? C'est plutôt la musique. Enfin, ça dépend. Je dis ça, mais les deux derniers albums que j'ai fait, je suis plutôt d'abord parti des musiques et j'ai écrit les textes ensuite, ce qui n'était pas le cas au début, parce que je suis venu à la musique par les textes, comme je disais, et du coup sur mon deuxième et sur cet album-là, j'avais vraiment envie que les musiques soient au diapason et que ça soit vraiment le son que j'avais dans la tête, toutes les idées que j'avais en tête. Donc c'est plutôt la musique qui vient. On ne se connaît pas, non? Non, je me présente. Oui, peut-être, oui. Je vais prendre un coca, s'il vous plaît. Le zéro? Non, coca traditionnel, merci. Et du coup, c'est plutôt la musique. Moi, c'est juste, je sais pas pourquoi je fais toujours des zéros, mais ouais, donc non, c'est plutôt la musique en premier. Ouais, j'ai plutôt envie de pas. C'est souvent des idées d'atmosphère, d'ambiance. Et après, j'essaye de réfléchir à ce que je pourrais dire, ce dont j'ai envie de parler. Au bout de 3 albums, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se répéter. Et en même temps, on a toujours un peu des marottes. Donc en fait, je préfère... Des films quand tu pars, donc ils reviennent. Un petit peu, ouais. J'ai des thèmes, ouais. J'ai un peu des thèmes de prédilection, ouais. L'adolescence, le fait de... Est-ce que même en vieillissant, on reste l'adolescent qu'on a été? Est-ce que... Ou évidemment, les chansons d'amour... Un éternel adolescent. Exactement. Voilà. J'ai d'ailleurs fait une chanson sur mon deuxième album. Ouais. Qui s'appelle Teenager. Ouais, voilà. Et il y avait déjà une première chanson sur mon premier album qui s'appelle Mickey Rourke, qui parlait déjà de ça. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit fil conducteur là-dessus, sur les thématiques aussi queer et LGBT qui me tiennent à cœur, et j'essaye souvent d'en parler, en tout cas de trouver un angle pour en parler qui soit pas... pas forcément violent, mais en tout cas qui soit poétique, on va dire. Okay, moins explicite. Oui, ou pas forcément revendicatif au sens premier, quoi. Enfin, j'aime bien que ça soit un peu subtil, quoi. Okay. Donc voilà, c'est souvent des thèmes... Mais c'est pas vraiment amené de front, donc on peut imaginer autre chose. Bien sûr, bien sûr. Mais après... C'est voulu peut-être aussi pour toucher tout le monde. Pas vraiment, parce qu'à la limite, quelqu'un qui serait contre les droits pour les LGBT, j'ai pas envie qu'ils écoutent ma musique. Donc à la limite, c'est pas vraiment caché pour être caché, quoi. Okay. C'est plus pour essayer de trouver un angle. Par exemple, sur Bleu Piscine, il y a une chanson qui s'appelle L'amour qui penche, qui m'avait été inspirée par au moment des débats sur le mariage pour tous en France. Ça avait été assez violent. Mmh. Et donc j'avais envie de parler de ça, mais j'avais pas envie de faire une chanson c'est les méchants, c'est nous, voilà, c'est nous qui sommes dans le vrai. Parce que voilà, je pense que c'est plus subtil que ça. Mais donc. C'est réducteur aussi. Pardon ? C'est réducteur également. Oui, exactement. Si on en parle, exactement. Et l'idée, c'était plus. Voilà, j'avais envie. Une fois que j'ai trouvé l'amour qui penche, la forme un peu poétique pour parler de ça, j'ai pu écrire la chanson plus librement. Et voilà, j'essaye de faire ça souvent avec les sujets, parce qu'on peut. Les chansons d'amour, c'est pareil. On peut parler. Il y a 10 000 formes de chansons d'amour, mais il faut arriver à trouver celui qui. Enfin, la forme qui correspond à ce qu'on a envie de dire, et de. Voilà, et que ça soit pas. Répétitif, quoi, voilà, exactement, redondant, ouais. Est-ce que toi, dans ton cas, c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots dans tes textes? Parce que quelquefois, on sent le fil conducteur, mais c'est tissé, comme si le mot amenait l'idée. Oui, c'est vrai, t'as raison, il peut y avoir de ça. C'est vrai que quelquefois, j'ai envie de placer un mot et je peux essayer de broder tout autour de ça. Ouais, c'est vrai, ça peut m'arriver. Ouais, j'aime bien en fait écrire un peu sous la contrainte. Je trouve que la chanson, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est que de la contrainte. Parce qu'il y a la contrainte rythmique, la contrainte de la rime. Et moi, c'est là-dedans que je trouve ma liberté. Okay, tu cherches toujours la rime pour la rime. Oui. Enfin, je veux en tout cas que ça rime. Okay. Je trouve que c'est l'intérêt de la chanson, contrairement à la prose. Parce que j'écris par ailleurs beaucoup. J'ai aussi un website qui s'appelle Faces, où j'interviewe beaucoup et de musiciens, où je parle beaucoup de musique, où là c'est de la prose, c'est un travail journalistique. Et du coup, dans la chanson, j'aime bien vraiment qu'il y ait le mot juste et la rime juste, et c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture de chansons. Depuis ton premier album jusqu'à Bleu Piscine, qui est sorti l'année dernière. Oui. Et qui a... Est-ce que ça a fonctionné dans le milieu underground, Bleu Piscine? Ça, disons que c'est l'album qui a un peu plus fonctionné pour moi que les deux autres, qui sont passés relativement inaperçus. Sur celui-là, en tout cas, j'ai eu un peu plus de couverture médiatique. J'ai senti qu'il y avait eu... Une écoute, exactement. Une écoute, et puis un peu plus d'intérêt aussi pour ce que je proposais. Je pense qu'en fait, l'album était arrivé un peu plus au bon moment que les autres. Parce que moi, je creuse ce sillon French Pop depuis assez longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'est là que ça a été un peu la grosse explosion, avec plein d'artistes aussi qui étaient un peu dans cette veine-là. Et je pense que du coup, les gens s'y sont un peu plus intéressés. En termes de vente, après, voilà, je travaille de manière très, très indépendante. C'est très compliqué quand on n'a pas de label de passer en radio, d'avoir énormément de concerts. Mais en tout cas, à mon échelle, c'était plus. J'ai senti qu'il y avait un peu plus d'intérêt, quoi. Et c'est bien d'écouter cet album-là en hiver, hein, ouais, chez nous, oui, un oui. peu de soleil. Parce qu'on s'imagine dans notre piscine, c'est parce ça. Que deux piscines, c'est pas pour rien. Hein? Non, non, non. Il y a comme des thèmes. C'est pas trop mon tempérament en général. Ça, mais ouais. C'est quand même. C'est écrit d'une manière sérieuse. Ouais. Mais pas toujours. Là. Il y a quand même des. Oui, oui, il peut y avoir des références. Éclatées. Bien sûr, ouais, ouais. Scène, mais on sent aussi, heureusement que la musique est là pour pétiller un peu comme le champagne. Ouais. Donc, et c'est un album estival, oui. Oui. Certes, mais l'hiver, c'est très réconfortant de mettre ça, ouais. De placer ça sur la platine, parce que et moi je fais ça d'une manière aléatoire, hein, ouais. Pour m'habituer au texte, oui, oui, savoir ce que l'autre, tu sais, la chanson va suivre. Comme c'est pas là ma tête de chou, oui, oui, oui. Il n'y a pas de suivi. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu as fait cet album-là, est-ce que tu avais déjà une idée du classement des chansons? Alors oui et non, parce que cet album a été fait de manière très spontanée. En fait, j'ai rencontré Valentin Aubert qui a produit l'album musicalement et qui, en fait, au départ, il a remixé un titre de mon deuxième album, donc le fameux titre qui s'appelle Teenager, dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, je lui avais proposé de travailler sur un deuxième titre, qui est d'ailleurs le titre d'ouverture de l'album, qui s'appelle AR Mon Amour, et qui devait être une phase B en fait, du remix qui devait sortir. En fait, j'ai tellement aimé ce qu'il m'a proposé, je lui avais donné quelques pistes, on s'était rencontrés, on avait discuté des références communes qu'on pouvait avoir, et en fait, quand j'ai entendu l'arrangement qu'il a fait, j'ai dit, mais c'est exactement le son que j'ai envie d'avoir pour mon troisième album. Donc je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as envie de réaliser mon album? J'ai un petit budget, on peut... Voilà, je lui ai dit, pour l'instant, j'ai quatre titres de prêt, qui avaient été écartés du deuxième album, ou des choses que j'avais commencé à maquetter. C'était déjà du matériel que tu avais. Il y avait deux chansons, en fait, il y avait... Popcoy à Paris, il y avait Aère mon amour et une chanson qui s'appelle Sous ton ombrelle, oui. qui était des chansons assez anciennes en fait. Sous ton ombrelle, elle aurait dû figurer sur mon tout premier album, ce qui elle avait été écartée pour des raisons. Quand tu retouchais le texte, finalement, t'as gardé. Non, j'ai gardé vraiment le texte et même l'arrangement, on est vraiment reparti de ma maquette d'origine, même si Valentin a beaucoup apporté en termes de production et il a notamment rajouté des ponts, enfin des choses dans la structure qui font partir bien le morceau. Donc j'avais ces titres-là et j'avais quelques titres qui étaient déjà maquettés ou en tout cas composés comme Trans, comme je sais plus l'autre, il y avait un autre titre qui était déjà composé. Et Valentin me dit, bah moi j'ai du temps, donc au mois d'août 2017, on était en juin 2017 à ce moment-là, et il me dit, bah moi je suis libre au mois d'août, banco, t'écris le reste de l'album, on enregistre. Et donc pour la première fois de ma vie, je suis parti en vacances, j'ai amené mes carnets, j'ai amené toutes les idées que j'avais en tête, et puis j'ai composé et écrit le reste de l'album. Alors c'est un disque presque d'urgence. Exactement. Et ça se sent aussi dans l'écriture, ouais. Il y a comme ce côté... C'est ça. Par exemple, la chanson Bleu Piscine a été composée vraiment en face d'une piscine, où j'étais en train de me reposer, sauf que j'avais l'esprit qui... Voilà, j'ai essayé de me laisser... Emporté par ce que j'avais autour de moi. Et voilà, donc j'ai imaginé cette histoire d'une histoire d'amour un peu qui finit mal, mais au soleil et... Ouais, c'est déjà avec une légèreté, c'est voilà. Difficile quand c'est au soleil. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu moins dur. La chanson Rush a été écrite sur un bateau où j'étais sur un bateau en Corse et en train de visiter un truc très touristique. Et tout d'un coup, ça m'est venu comme ça. Je suis allé dans les toilettes, j'ai enregistré la mélodie sur mon téléphone parce que ça me venait comme ça. J'ai écrit le texte sur mon iPhone comme ça. Et voilà, donc l'amour qui penche pareil, ça m'est venu à peu près au même moment. J'avais cette idée qui est de mélodie qui me trottait, qui était une sorte de ritournelle un peu comme ça, pop. Et j'ai écrit le texte comme ça. Et à mon retour, donc en juillet, je me suis enfermé 15 jours, j'ai maquetté les titres qui manquaient. Et puis j'ai commencé à envoyer à Valentin qui a commencé à travailler sur des morceaux. Et puis on s'est retrouvés tous les deux en studio au mois d'août et on a fait l'album en un mois. Mais la force de Valentin, c'est qu'il était à l'extérieur de ton œuvre, oui. Donc il avait une idée nouvelle. Exactement. Il n'y avait rien de préconçu parce qu'il ne connaissait pas vraiment. Exactement. Et il y avait une discussion vers où tu voulais aller, c'était pas n'importe quoi. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le travail avec Valentin, c'est qu'il est beaucoup plus jeune que moi, donc on n'avait pas forcément les mêmes références. Ah oui. En tout cas, dans les musiques qui, moi, m'ont marqué adolescent, on parlait d'Étienne Dao, de Chamfort, de Jacquemot, de Lio, enfin des gens comme ça qui sont vraiment qui ont vraiment été des très très grosses influences pour moi, et lui c'est pas du tout sa culture, donc en fait ça m'a obligé à me sortir un petit peu de mes références musicales et adolescentes, et vraiment d'aller vers un son un peu plus actuel, un peu plus référencé par la French Touch, par des groupes comme Phoenix, ou même des groupes anglais comme Metronomy, qui sont aussi des choses qui... Mais Phoenix c'est plus rock'n'roll, donc c'est pour ça que ça fait comme une contrepartie. C'est ça, et ça c'est vraiment l'apport de Valentin en termes de... C'est un très très bon arrangeur et un très très bon réalisateur qui se met vraiment au service des chansons, qui n'a pas un ego à imposer des choses, qui est vraiment dans le partage, et ça c'était vachement bien de travailler avec lui. Ceci dit, dans mes trois albums, ça a toujours été le cas. J'ai toujours travaillé avec des gens qui ont été très ouverts et qui ont... Mais là, en l'occurrence, parce qu'on parle de Bleu Piscine, ça a vraiment été... J'ai beaucoup aimé travailler en binôme avec lui. Vois-tu sur tes trois albums une progression ou un fil médian qui vient entrecouper, qui vient tenir les trois œuvres ensemble, ou si c'est diamétralement opposé, qu'on voulait changer pour le deuxième, si pour sortir mon premier? En fait, je pense que j'ai vraiment creusé un sillon jusqu'à Bleu Piscine. Je pense que c'est maintenant que je vais un petit peu changer de cap. Ok, Bleu Piscine a été ton tremplin. Ouais, je pense que ça a été vraiment le où j'ai pu aller vraiment au bout de quelque chose en fait, musicalement, de vraiment aller au bout de cette French pop que j'ai toujours adorée, qui m'a beaucoup influencé, où en fait j'ai un peu mis de côté toutes les autres influences que j'avais musicales, que j'ai pas vraiment exploitées encore, et je pense qu'il a vraiment, le fait qu'il se soit fait comme ça, de manière très rapide, très simple, très spontanée, voilà, très naturelle, sans vraiment aucune prise de tête, ça a vraiment été comme un peu la fin d'un cycle, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas ce que me réservera la suite, mais en tout cas, ça a vraiment été... Alors ça rafraîchit un peu ton l'œuvre et la création depuis déjà les deux derniers albums? Oui. Ça a été comme plus... Le premier album, je découvrais vraiment comment c'était d'enregistrer un disque. Moi, j'avais aucune idée. J'étais même pas musicien à ce moment-là. Je touchais à peine un piano. J'avais vraiment aucune idée de comment on enregistrait un album. Je suis tombé sur des gens très bienveillants qui m'ont appris plein de choses, donc Eric Diger qui faisait partie du groupe Matmata et Thierry Garassino qui a réalisé mes deux premiers albums, le premier avec Eric et le deuxième tout seul, et qui ont vraiment été extrêmement bienveillants, qui me prenaient pas de haut malgré le fait que j'avais aucune expérience et qui au contraire m'ont vraiment poussé à aller plus loin. Et sur le deuxième album avec Thierry, où vraiment on a travaillé tous les deux en binôme comme sur le troisième avec Valentin, après le deuxième album on a mis du temps à le terminer, on a eu un peu plus pas des problèmes de production, mais en tout cas des contraintes qui fait que Thierry n'était pas tout le temps disponible, donc on a mis assez longtemps à le terminer. Et du coup le troisième a été plus disons que j'ai pu aller au bout de toutes mes idées vraiment comme je les avais en fait. Il y a un fil conducteur entre les deux derniers albums d'ailleurs. Le premier, on était parti vers quelque chose d'un peu plus acoustique, même si avec Thierry on avait essayé de réarranger certains titres de manière un peu plus électro, mais il y avait beaucoup plus de guitares électriques, de choses comme ça, alors que là sur le dernier il n'y a vraiment que des claviers. Et qu'est-ce qui fait que tu acceptes de travailler avec d'autres personnes? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est l'individu, l'humanisme qui... Un peu des deux, en fait. En fait, quand on écrit des chansons seules, c'est quand même une activité qui est très solitaire. Et au bout d'un moment, ça me manque un peu quand même de ne pas collaborer avec des gens, parce que d'abord, c'est bien pour avoir du recul un peu sur son propre travail, de voir déjà quelqu'un d'autre ce qu'il pense des morceaux. Un truc qu'on va trouver génial, peut-être que l'autre personne va la trouver nulle, et inversement. J'ai quand même envie à un moment donné de travailler avec quelqu'un. Je ne me verrais pas faire un album entièrement seul dans ma chambre, un peu comme fait Pierre Fa d'ailleurs, qui travaille beaucoup seul. J'ai quand même envie à un moment donné de partager. Après, je déteste travailler la technique, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Je maquette mes titres et tout ça, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai quand même besoin de quelqu'un pour m'aider à aller au bout techniquement de mes idées aussi. Je suis pas capable pour l'instant de le faire tout seul. En dehors de tes disques à toi, tu collabores aussi avec d'autres. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que tu vas vers une autre collaboration? Qu'est-ce qui fait que tu choisis de travailler avec X ou Y? Est-ce que c'est le côté humaniste ou si c'est... Ah oui, moi j'adore. Par contre, j'adore écrire pour les autres. C'est un exercice que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que ça permet de sortir un petit peu de son nombril et de se mettre à la place des autres. Je me noie, je me noie. Espérance Rinaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. La plus grosse collaboration que j'ai eue, c'est avec une chanteuse qui s'appelle Emma Solal. Qu'elle te rencontre demain. Ah ben voilà. Elle fait un spectacle aujourd'hui. On joue ce soir, je l'accompagne oui, au clavier. Ben oui, ouais, ouais. Ben oui, mais je m'en vais voir Diana Crawl. D'accord, ah bah oui. Ouais. Je m'en vais couvrir Diana Crawl. Et donc en fait, Emma, on s'était rencontrés par l'intermédiaire de Paul Abirachette, qui est un guitariste avec qui j'ai longtemps travaillé, qui travaille d'ailleurs maintenant avec Pierre et qui travaille aussi avec Emma sur le projet qu'elle a sur Françoise Hardy. Et en fait... quand elle avait monté son spectacle sur Françoise Hardy, elle m'a invité à venir chanter avec elle une chanson de Françoise Hardy que j'adore, qui s'appelle « Effeuille-moi le cœur ». Effeuille-moi le cœur, tant pis si j'en meurs. Ah, c'est une vieille chanson qui est sur l'album, je crois que c'est sur l'album « Soleil », me semble-t-il. Ça, c'est dans les années 70. Oui, c'est les années 70. C'est une très très belle chanson qui n'est pas très connue, non, mais qui a une mélodie vraiment magnifique. Et quand j'ai vu qu'Emma la reprenait, je lui ai dit « C'est génial que tu reprennes cette chanson, c'est un chef-d'œuvre et tout. » Et du coup, elle m'avait invité à la chanter avec elle deux fois quand elle faisait son spectacle. Et puis du coup, voilà, on a commencé à se connaître et elle préparait son nouvel album et elle m'a proposé, elle m'a dit est-ce que tu aurais des chansons à me proposer ? Voilà, je cherche des collaborations pour cet album-là. Et sur cet album-là, déjà, c'est beaucoup de jeux de mots, beaucoup de métaphores, beaucoup ouais. de grivoiserie. Un petit peu, ouais. Ça dépend comment tu te décodes, là, mais moi, j'ai vu un fil conducteur assez clair là-dessus. C'est vrai. Ouais. Ben, en fait, pour le coup, sur les chansons qu'Emma a choisies, il y avait des chansons qui existaient déjà. Et des chansons qu'on a complètement écrites pour l'occasion. Et puis sur les chansons qui existaient déjà, par contre, on a retravaillé les textes parce qu'elle voulait quelque chose justement d'un peu pop et de plus. Et puis que se les approprier plus. Donc on est partis tous les deux à la campagne pour travailler vraiment comme un stage d'écriture. Quoi, elle, pour être en clé de la ville aussi. Ouais, et puis d'être vraiment tous les deux, d'apprendre un peu mieux à se connaître. Que moi, j'arrive vraiment à cerner ses envies, ce qu'elle avait envie de raconter. Il y a une chanson notamment qui s'appelle Monica Vitti sur l'album, qui est très inspirée par sa grand-mère, elle a vécu aussi en Italie, donc voilà, il y avait plein de choses j'avais besoin de m'inspirer aussi de ce qu'elle avait envie de raconter. Il y a une autre chanson qui s'appelle Issa Routas, pareil, qui parle de l'Italie, où là, on est vraiment parti de ses influences italiennes, de choses comme ça, et puis d'autres thèmes qu'elle avait envie d'aborder, qui faisaient un peu sens avec les chansons que j'avais déjà, et en fait, au final, au départ, voilà, la collaboration devait s'arrêter là, et puis elle a écouté les chansons justement que j'avais produites avec Valentin, et ça lui a plu, et elle nous a demandé de réaliser l'album avec Valentin. Donc ça s'est fait comme ça, et du coup la collaboration a été beaucoup plus longue puisque on a enregistré dans la foulée de mon album, on a enregistré l'album d'Emma. Est-ce que ça s'est fait d'une manière juxtaposée ou t'as fait ton album après ça t'as fait... Alors ça c'est le projet était... On n'avait pas tout à fait fini mon album quand on a commencé à travailler sur celui d'Emma, mais par contre on a quand même terminé mon album en premier, parce qu'il était quasiment terminé, donc à part peut-être qu'on a retravaillé un petit peu sur les mix ou le mastering au moment où on avait commencé à travailler sur l'album d'Emma, mais ça s'est enchaîné en tout cas, il n'y a pas eu de rupture entre... Alors vous étiez dans la musique. Ouais, on était vraiment, on a enregistré au même endroit les deux albums, il y avait quand même une vraie continuité, et puis le fait que mes chansons... Valentin du coup avait bien compris comment travailler sur mes chansons, ouais. Donc du coup que ça soit pour Emma ou pour les miennes, au final il avait déjà compris comment on travaillait. On a eu un travail un peu plus différent à faire sur les morceaux qui n'étaient pas de moi du coup, ouais. qui étaient de Pierre Fade, de Jérémy Kissling, en tout cas pour la musique, de Grégory Gabriel, qui du coup où il fallait qu'on habille en fait les chansons. Alors les chansons de Pierre étaient déjà très arrangées, donc il y avait déjà des pistes d'arrangement, mais par contre la chanson de La femme d'une star et Au bar de l'hôtel, c'était des maquettes en piano voix et guitare voix, donc on s'est inspiré en fait de ce qu'on avait déjà commencé à faire. Alors vous avez habillé la chanson. Voilà, on a habillé les chansons exactement, et c'était génial, j'ai adoré faire ça aussi parce que du coup, c'est la première fois que j'ai arrangé d'autres titres que pour moi, donc c'était intéressant. Mais là, ce qui est intéressant encore, c'est que quand elle monte sur scène, souvent tu es là au oui. clavier. Oui. Donc vous êtes comme un duo. Alors on est un trio parce qu'il y a aussi Constance Petrelli qui est sur scène. On est trois. Okay. Et moi je suis ravi d'accompagner Emma parce qu'effectivement on prolonge l'album sur scène, mais c'est vraiment Emma. Hein. Évidemment on fait Baiser Illicite, qui est une chanson qu'on fait en duo sur son album. On l'a fait sur scène. Voilà. Je fais quelques chœurs, tout ça, mais c'est vraiment Emma qui est au centre. C'est vraiment son projet à elle et c'est elle qui le défend. Et voilà. Donc là pour le coup j'accompagne juste le projet sur scène, mais c'est vraiment le sien. Et là, après notre rencontre, tu t'en vas faire le test de son là-bas? Oui, ah, oui, oui, okay, oui, oui. Okay. Ouais, ouais, parce qu'on joue, vers 19h30, ouais, je crois. Ouais. Donc, ouais. Ouais, ouais. Et on voit que là, ça commence à fonctionner davantage, parce que t'es avec Emma, tu fais Cavalier Soul. Mmh. L'album a quand même bien roulé sur Internet. On voit ce, oui, on, oui, oui. On voit ton album, on voit, ouais, ton, on voit des rencontres que tu as faites avec des journalistes. Oui, donc, oui, oui. C'est quand même. Ça a pris quand deux albums pour en arriver là. Donc, c'est pas si c'est mal vrai que ça. Non, non, bien sûr. C'est juste deux sûr albums. Ouais, ouais, ouais. Ah non, moi, je suis très content finalement que ça avance. En fait, j'avance à mon rythme. Je suis pas quelqu'un de. Je pense que. J'avais, au moment de mon premier album, en fait, j'ai toujours mis un peu l'artistique au premier plan, c'est-à-dire que j'ai jamais, j'ai un petit peu démarché les labels, mais pas beaucoup. J'ai pas fait tout ce travail, en fait, d'aller rencontrer les gens. Je pense que ça fonctionne comme ça aussi. C'est un milieu de réseau, et je l'ai pas fait pendant longtemps, et je le fais maintenant par rapport à mon magazine Faces, qui me permet aussi de rencontrer mes collègues musiciens. Chose que je faisais très peu avant. Je connaissais très peu mes collègues musiciens, à part Pierre, Constance Petrelli, qui avait un projet qui s'appelait Une femme mariée aussi. Ouais. Ouais, ouais, on s'entraidait, ouais, beaucoup. Rencontré. T'as rencontré, ici, voilà. On ah bah, était là-bas. D'accord. Et voilà, c'était donc Emma après par la suite. Mais c'est vrai que c'est des métiers qui fonctionnent beaucoup par réseau, par bande. Ouais, ouais. Et voilà. Et c'est vrai qu'en rencontrant beaucoup de collègues maintenant, je vois bien un petit peu comment ça fonctionne aussi. Et que bah, il faut se montrer plus en fait, il faut être présent, il faut pas que médiatiquement, et c'est quelque chose que j'étais peut-être pas prêt à faire avant et que je suis prêt à faire maintenant en fait, je pense. Mais quand c'était revu, est-ce que tu l'utilises pour tes propres fins musicales à toi? Non. Non, non, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de créer, un projet autour de la musique, mais qui ne soit pas un projet de critique de disque. Parce qu'en tant que musicien, je trouvais que c'était pas très. Enfin, c'est pas bien. Que ce soit un tremplin. Oui, j'ai pas envie de critiquer mes camarades, par exemple. J'ai pas envie de dire j'aime ou j'aime pas. Après tout, chacun se fait son idée, je suis pas là pour ça. Par contre, j'avais envie de photographier un petit peu cette scène française qui est très foisonnante, indépendante. Et qui me plaît parce que musicalement, je me reconnais beaucoup dans cette scène-là. Il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, comme Cléa Vincent, comme Fishback. Il y a beaucoup de filles dans cette scène-là qui sont hyper intéressantes. Et j'avais envie un petit peu de documenter cette scène-là. Et donc, en fait, j'ai commencé à. J'ai testé un petit peu la formule avec Constance, donc une femme mariée, avec Pierre, avec Pascal Borel, que je connaissais aussi, qui est la chanteuse d'un groupe des années 80 qui s'appelait Mikado, pour voir si ça fonctionnait un petit peu. En fait, j'ai vu qu'assez vite, c'était intéressant, qu'ils ils prenaient du plaisir à le faire, moi, je prenais du plaisir à le faire. Donc, je me suis dit, essayons de monter ce projet-là. Et puis assez vite, ça a commencé à prendre un petit peu. J'ai commencé à être assez sollicité finalement, où j'ai commencé à être plus où les gens me demandaient d'y être que moi de proposer aux gens. Donc je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose qui peut intéresser les lecteurs, d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les artistes, leurs goûts, leurs influences, et tout ça avec des jolies photos en noir et blanc, parce que sur Internet, c'est souvent des choses assez moches qu'on trouve. Et là, j'avais envie que esthétiquement, ça soit beau. Et donc j'ai commencé à rencontrer des gens et à les interviewer et à rencontrer, essayer de questionner un petit peu leur rapport à la musique, à la pop. Mais Anaïa, un site sur la musique, tu dois en recevoir des CD, tu dois recevoir beaucoup, des choses, ouais, à lire, à écouter, puis à réécouter. Bah, toi aussi, tu sais ce que c'est. Ouais, mais moi, j'en retrouve pas tant que ça. C'est vrai? Non, mais tu dois vraiment privilégier certains styles, parce qu'on, oui, peut pas tout aimer. Non. Donc, c'est vraiment la pop. Alors, pour le coup, s'il y a quelque chose qui doit faire vraiment sens, un fil conducteur avec ma musique, c'est la pop. C'est le fait que, effectivement, j'interview et je mets en avant plutôt des chanteurs et des chanteuses pop. Alors, au sens large, parce que quelqu'un qui fait de la variété, ça peut être de la pop. Quelqu'un qui fait du rock, voilà, exactement. C'est la pop au sens large, mais il y a vraiment une idée esthétique autour de ça. C'est-à-dire que, des artistes comme Bertrand Burgala, comme Barbara Carotti. Oui, Bertrand Burgala, j'ai rencontré. Voilà, et pour moi, c'est vraiment, c'est des gens qui est-ce qu'il y a encore son étiquette de disque? Bien sûr, Tricatel, ouais, tout à fait. Et après, c'est au sens large. J'ai aussi envie de faire découvrir des gens, soit qui débutent aussi, dont on parle pas forcément beaucoup. Après, il y a des coups de cœur, vraiment, où voilà, là, j'ai interviewé par exemple un chanteur. Quelqu'un a posté son clip sur Facebook, j'ai tellement aimé la chanson, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse qu'on se rencontre pour que je fasse un portrait, voilà. Donc il peut y avoir des choses très spontanées, des choses qu'on me propose, des gens un peu plus connus qui permettent aussi de faire venir les gens sur le site pour qu'ils découvrent à leur tour des gens un peu moins connus, voilà. Les dimanches après après de ces rencontres-là naîtront peut-être des choses artistiques. Ça, c'est, mais, qui sait ? Voilà, mais ça, c'est pas... Enfin, d'ailleurs, je dis ça, mais c'est déjà le cas, puisque je travaille en ce moment sur un projet qui va être un projet de reprise avec quelqu'un que j'ai interviewé. On s'est rencontré via Faces, un artiste qui s'appelle Nicky de Miller, qui a un projet d'album là, qui va sortir à la fin de l'année, mais qui a un projet autour du monde du travail et du tertiaire qui est hyper intéressant. C'est des reprises de chansons Alors ce qu'on va faire ensemble, ça va être des chansons écrites par Françoise Sagan. Ah oui ? Voilà, pour différents elle artistes. Bah si, elle en a écrit plein. Ah oui ? Ah, je ne savais pas. Ouais, personne ne le sait, ou peu de gens. Donc du coup, c'est pour ça que je suis parti sur ce projet-là. Et lesquels ? Est-ce que c'est connu ? Alors, les interprètes sont connus, les chansons en elles-mêmes ne sont pas très connues. Elle a écrit pour Johnny, elle a écrit pour Nana Mouskouri, elle a écrit pour Dalida, elle a écrit pour Mouloudji, elle a écrit pour Juliette Gréco. Ah oui, c'est plutôt des chansons des années 50. Juliette Gréco. Ouais. Elle a écrit pour Régine, pour... Elle écrivait, là, Françoise Sagan. Elle écrivait des textes de chansons, des paroles. Non, mais tu parles de celle qui a écrit des livres, Françoise Sagan. Ouais, l'écrivain qui écrit des livres, ouais, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, je suis parti sur cette idée-là, parce que moi, c'est mon auteur préféré. Okay. Et j'avais envie de faire un projet autour de son travail, mais voilà. Et quand j'ai découvert qu'elle avait écrit autant de chansons, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Combien de chansons, ça te plaît ? Elle en a écrit une quinzaine, une vingtaine. Okay. Ouais. Et voilà, qui ont été mis en musique par des noms très, très fameux, par Michel Legrand, par Michel Magne, en l'occurrence pour Johnny Hallyday, par David Hallyday. Voilà, donc elle a travaillé avec des compositeurs. Et là, l'idée, c'est quand même assez, c'est dans les années 80 d'abord, c'est avec son fils. C'est même 80, beaucoup plus tard, c'est les années 90. Je pense. 90 ouais. C'est la dernière qu'elle a écrite, c'est la plus récente. Okay. Après, elle a surtout écrit des chansons pendant les années 50 et 60. Le bourreau de son travail a été dans ces années-là. Et donc, c'est un projet d'album et de scène, en fait. C'est bien. L'idée, c'est que j'ai envie que ce soit un projet scénique. Et du coup, grâce à la... Donc, en rencontrant Nicky de Miller, du coup, pour Faces, on est devenus copains et du coup, on a décidé de faire ce projet ensemble. Alors, tu veux sortir le disque avant puis le spectacle après? Voilà, l'idée, ça va être d'essayer de travailler un petit peu ça en parallèle. En amont, ouais. Donc, ça va être comme un projet un petit peu parallèle avant de repartir sur un album à proprement parler. Ah, tu te sens déjà prêt à te lancer pour un quatrième album? Je commence à peine, on va dire. J'ai les idées qui commencent à... Est-ce que ça commence à titiller? Oui, ça commence à me titiller, ouais. OK, mais il y a des mélodies qui te viennent en tête. Oui, oui. Mais là, je serais peut-être prêt pour le quatrième. Oui. En fait, c'est surtout une envie musicale. J'ai envie de partir vers... J'ai une idée un peu flou et assez précise en même temps, okay. C'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus dans la soul, une soul blanche en fait, pas quelque chose de... Parce que voilà, je voudrais pas m'approprier quelque chose qui m'appartiendrait pas, mais vraiment de mélange d'influences comme ça, de partir vers quelque chose d'un peu plus soul. Donc j'ai des petites mélodies qui commencent à se dessiner, des envies d'arrangement surtout. Mais est-ce que tu vas retravailler, est-ce que tu vas remodifier ta voix? Parce que ouais, j'aimerais bien. C'est à peu près parlé, est-ce que tu... Oui, chanter, oui, mais... oui, j'aimerais bien en fait. Bah, déjà sur parce le projet le son, Sagan... Parce que la gorge, ouais. Mais sur le projet de Sagan déjà, les chansons qu'on a travaillées, je vais chanter très haut. Et du coup, j'ai envie d'essayer cette voix-là, en fait, de partir vers quelque chose de... Comme le circus. Ouais, en fait, dans les chanteurs soul, il y en a qui font ça très bien, alors je ne me mesurerai pas à ça, mais il y a beaucoup de chanteurs qui chantent haut, Smokey Robinson, Marvin Gaye, enfin voilà, il y a plein de chanteurs soul que j'adore, qui comptent beaucoup pour moi, qui sont comme ça. Alors après, évidemment, je n'ai pas du tout la prétention de me mesurer à eux, mais voilà, l'idée, ce serait de faire une évocation de ça, tout en gardant évidemment un côté pop, parce que je pense que ça sera toujours ma musique de prédilection. Mais à chaque fois que je regarde des choses sur toi, sur Internet, tu travailles tout le temps, tu es toujours dans des projets, tu t'arrêtes jamais, il n'y a pas de vacances. À quel moment tu peux poser? Là, je pars en vacances au mois d'août. Là, je pars en vacances et j'ai décidé de pas du tout travailler. Trois semaines. Ouais, okay. Non, pas 3 mois. Non, 3 mois, c'est ça. C'est vrai que je m'ennuie vite si je travaille pas, je m'ennuie vite. Oui, c'est vrai que j'aime bien faire des projets, quoi. Mais pour moi, ça fait partie de moi, j'ai envie, quoi. Enfin, j'ai toujours des idées en tête. Si je fais pas de la musique, je fais de la photo. Si je fais pas de la photo, j'écris. Voilà, j'ai tout le temps plein d'idées, quoi. C'est pas ça les idées pas qui m'ont... De moins en moins. Je sais pas si c'est le fait de vieillir, mais de moins en moins. J'ai du mal à me poser, ouais. C'est comme un adolescent. Ouais, exactement. On est partout, ouais. On est effervescent. Sauf que je pense que je suis plus... adolescent, là, que tu l'étais. Ouais, que je l'étais adolescent, ouais. Tu étais plus aphasique quand tu étais ouais, adolescent. J'étais plus à écouter des disques dans ma chambre. Oh, oui, puis les bras étaient plus longs. Voilà, exactement. Les cheveux plus longs aussi, ah, d'ailleurs. Ah oui, ben tout va avec le reste, hein. C'est ça. Mais c'est... Ouais, non, c'est vrai que j'ai tout le temps des projets, quoi. Mais sur ton quatrième album qui s'en vient, ouais. Que tu travailles, que tu cogites... Oui, ça, oui, oui. Est-ce que ça risque d'être encore de l'électro-pop ou... Alors, je sais, le rock... Ça sera pas... C'est soul, là, mais soul. J'aimerais bien aller vers une soul, mais pas forcément vers les guitares. Soul électronique, ça ouais, ce serait pas mal, ouais. Mais après... J'ai jamais entendu ça, de la soul électronique. Oh, il y en a qui font ça, des gens qui... Mais, des trucs assez... Genre Justin Timberlake, tout ça, ils ont essayé de faire des trucs qui étaient un peu vers c'est commercial. Ça. Ah oui, c'est très commercial, bien sûr, mais... Il y a deux artistes que j'aime beaucoup, je trouve, qui arrivent à faire un peu cette jonction-là entre la pop, l'électro et la soul. Il y a un artiste qui s'appelle Blood Orange, je ne sais pas si tu connais. C'est un artiste qui est anglais, mais qui est basé aux États-Unis, qui a sorti 3 albums et qui avait produit le 2e album de Solange, la sœur de Beyoncé. Et il arrive, je trouve, lui, à faire quelque chose de comme ça, d'un peu soul dans les mélodies, mais avec des arrangements assez électro-pop. Et il y a un chanteur canadien qui s'appelle Mormor, chante en anglais. Il chante en anglais. Alors il est pas québécois, il est de Toronto. Voilà, c'est ça. Il est basé à Toronto Peter, est-ce que tu connais? Ouais, j'aime beaucoup Peter. Ah ben voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Et quand je t'écoutais avec Blue Pixel, je disais, on dirait que. Ah, c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais qui est un peu plus rock que moi pour le coup. Oui, oui, oui. Il y a plus de guitare. Maintenant, mais pas avant. Avant, il était c'est vrai. Techno. C'est vrai. Il y a une chanson de lui que j'adore qui est sur son premier ou son 2e album, je ne sais plus. Et le titre m'échappe tout d'un coup par ce titre que je l'ai connu. Ah, je vais. Mais il est très connu en France. Hein. Il est assez connu, ouais. Il passe en radio et tout. Ouais, ouais. mais c'est un type qui est un peu méconnu au Québec. Ah, c'est vrai? Sauf dans le circuit underground dont moi, je fais partie. Il joue pas dans les radios, à part les radios communautaires, associatives, universitaires. C'est encore difficile pour lui. Mais en France, il est plus accueilli. Mais il y a plein d'artistes québécois qui sont super. Moi, j'aime beaucoup un groupe qui s'appelle Wizard, qui sont à Montréal, pour le coup, que j'aime beaucoup. Ils chantent en anglais, ouais. Et il y a un autre... ah mince, il faut que je regarde. Ouais, oui. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup... Il y a Ariane Moffat. Alors, je connais moins, il faut que je découvre. Bon, évidemment, Pierre Lapointe, qui est aussi très connu ici. Oui, et lui, c'est plutôt variété française. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu connais? Ah, oh, ben lui, c'est plus folklorique, c'est Fred Pellerin. Je connais pas. OK, c'est assez folklorique. D'accord. Les racines du Québec, c'est lui. Lorsqu'il chante, il prend pas l'accent français. Ouais. Il reste dans ses racines. Il habite à Saint-Élie-de-Caxton. C'est lui qui a révélé cet endroit-là. Personne n'y allait. D'accord. Et ils font des circuits en autobus pour, grâce à lui. Donc, Saint-Élie est devenu presque la pierre angulaire du Québec. Les gens vont en vacances voir les personnages de Fred Fortin. Ah, c'est rigolo. Oui, oui, oui. Il reprend aussi des vieilles chansons folkloriques québécoises, mais à sa sauce. C'est un type qui... c'est un conteur. Ouais. Et à travers ça, ben, il reprend des chansons. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. D'accord. Ah ben, j'irai écouter. Qui est quand même assez connu ici. Oui, mais le nom me parle, mais je n'ai pas écouté. Fred Fortin. Ouais. Fred Fortin, d'accord. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle... Fred Pellerin. Fred Pellerin, d'accord. Parce que Fred Fortin aussi, il existe, mais c'est rock. C'est rock? Ouais. Je ne sais pas si tu connais Dilarama. Non. Alors, il est sur un petit label québécois qui s'appelle... d'ailleurs, j'avais fait un article sur lui, je l'avais rencontré quand il était venu à Paris. Lisbonne Lux Records. Ok, oui, bah, voilà. oui, c'est l'étiquette underground. Ouais. Et en fait, il avait sorti un EP qui s'appelle Certified Cutie l'année dernière, je crois, que j'aime beaucoup, qui est très dream pop. Voilà. Et en fait, c'est donc Nicolas qui est aussi le leader de Wizard qui l'a produit. Et j'aime beaucoup Jeff Barbara aussi, ah, oui, là, qui est signé chez Tricatel. Mm-hmm. Ah oui, bah, oui, mais Tricatel trouve quand même assez. Ouais. C'est une étiquette de disque assez curieuse, assez, oui. Qui s'ouvre sur... Ouais. Puis elle existe depuis à peu près 10 ans. Oh, même, oui, même plus, hein. Plus que ça. Ah, ouais, ouais. Ouais. Mais on sent aussi qu'elle ne s'essouffle pas parce que Burgala, c'est un homme qui cherche partout, qui... Les chamans de ton genre, mais tes vaines initiatives jamais ne nous dérangent. On reste un pain surprise, bizarre, acidulé, même nos apparences frisent la beauté décalée. fait, c'est marrant parce que souvent les artistes sont assez repliés sur eux-mêmes, en fait. Ils sont pas très généreux, ils sont. Enfin, ils travaillent pour leur cause. Hein. Voilà, et en fait, j'ai rarement interviewé quelqu'un qui parle autant de la musique des autres que Bertrand Borgala. Oui, c'est vrai. Qui parle tout le temps des autres artistes, et que les gens soient connus ou pas connus. Et ça, je trouve que c'est une vraie leçon, parce qu'il y a quelque chose là-dedans de très. De très ouvert, de très généreux, et qui est finalement pas très commune, en fait. C'est ça. Mais d'un point de vue vraiment pour la musique. C'est-à-dire qu'il va citer des gens qui. La musique. Ah ouais, il est vraiment à chercher dans même dans les marges ou dans des choses très populaires. Il a vraiment des goûts très éclectiques. Et enfin, je trouve que l'interviewer, c'était une vraie leçon. En tant que musicien, je trouve qu'il y a un vrai partage, et il y a une véritable ouverture aux autres qui est finalement assez rare chez les musiciens. C'est vrai. Mais il n'est pas concentré sur lui. Puis l'intérêt, c'est que quand tu lui dis bonjour, sa vie commence à voir. Et là, ça commence et ça peut durer une demi-heure. Exactement. Il a tellement de choses exactement. À dire. Et là, tu essaies de prendre des notes dans ta tête parce que tu ne peux pas te relaxer. Et tu reviens et ça fait une rencontre de 2-3 heures. Ah, ouais. Et ça ne paraît pas. Là, Et puis vraiment, ça, je trouve que c'est une vraie leçon d'humilité. Quoi. Et je trouve que voilà, les musiciens devraient, à mon avis, faire un peu plus attention aux autres. Quoi. Est-ce que ça te donne le goût de travailler avec Borgala? Ah, moi, j'adorerais. Après, je ne sais pas si... S'il est disponible. Oui, et puis voilà, il est, je pense qu'il est extrêmement demandé. Oui, c'est ça. Voilà, Ah, moi, j'adorerais, évidemment. Ça serait génial d'avoir des chansons arrangées. Est-ce qu'il a écouté ton album, Le Pissin? Je sais pas. Okay. Je lui ai donné, mais je ne sais pas s'il l'a écouté. Okay. Mais les artistes, ils disent... Ouais, c'est assez rare, finalement, de... Que les gens... Non, c'est pas vrai, il y en a qui le donnent. Non, c'est pas vrai, j'exagère quand je dis ça. Mais lui, en l'occurrence, je sais pas. Je ne l'ai pas recroisé, Il doit avoir tellement de demandes. Oui, exactement. Exactement. Mais par contre, ce que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai rencontré, c'est que je pense... Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que quand il a compris que j'étais musicien, du coup, il y a eu une sorte de détente tout d'un coup naturelle qui fait que oui voilà qui est voilà qui même si on était là pour parler de son travail hein, je parlais pas du mien mais oui voilà il y avait quelque chose que j'avais senti avec lui parce que moi j'étais un peu impressionné de le rencontrer et du coup voilà tout d'un coup il y avait c'est pas compliqué il se prend pas pour la grosse taille non tout à fait simple exactement ouais. Mais beaucoup d'artistes après les artistes sont quand même plutôt sympas hein, en général franchement c'est vrai. Il y a peu de gens qui sont pas sympas, quoi. Mais c'est étrange parce qu'on dirait que certains qui sont dans le musique plus underground se prennent trop au sérieux. Oui, ça c'est vrai. J'en aimerais pas, là, mais il y a un blocage, c'est un blocage. Ben, je pense que c'est parce qu'ils ont envie de réussir. Je pense que c'est un peu de la maladresse, souvent. Et surtout, il y en a qui se croient trop dans leur... dans leurs chansons, dans leur musique. Oui. Je suis musicien, je suis pas de la merde. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un peu nombriliste. C'est très nombriliste. Après, je pense que tout est fait... Enfin, alors, dans les gens qui sont un peu connus, quelquefois, tout est fait pour qu'ils deviennent comme ça aussi. Quelquefois, je pense que c'est pas le fait des artistes, c'est aussi l'entourage, c'est aussi des gens qui leur comment dire, qui en fait font en sorte son entourage, que... tu veux dire? Enfin, j'ai l'impression que quelquefois, il y a un entourage qui peut être un peu... qui met les artistes dans cette situation-là, qui fait que du coup, ils sont... Bah, c'est très difficile de les atteindre, alors que je suis sûr que si on les rencontrait dans un cadre différent, ouais. Ils seraient peut-être plus sympathiques aussi, je sais pas. Est-ce que tu connais Eric Foss? Oui, tout à fait. C'est en état. Ah oui? Ouais. Je l'ai interviewé. C'est parce que vraiment, là, il se prend pour Gainsbourg. Là, c'est vrai. Il est assez dur d'approche. Tu trouves assez d'approche? Écoute, il a été plutôt sympathique avec moi. Okay. Alors, en l'occurrence, peut-être que comme il savait que je faisais de la musique, peut-être que ça a été un peu différent. Okay. Mais après, récemment que tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré au moment de la sortie de leur album. Avec Roger Trontel, là, oui, je l'ai rencontré. Alors, il y avait aussi Lizzie Ling qui était là. Ah ouais, mais sur le duo. Voilà. Et... ça s'est bien passé. Oui, ça s'est pas mal. Enfin, okay. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça m'a pas. Il m'a pas paru pire que d'autres. Okay. Non, ça a été. Après, j'ai pas eu un rapport particulier avec lui, mais j'ai pas senti quelque chose de particulier. Mais bon, après, moi, il était content que je parle de leur disque aussi. Donc, non, il a été plutôt sympathique. Ah, tu as aimé l'album ? Oui, j'ai bien aimé l'album. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait quelques chansons qui étaient intéressantes. La reprise de Brigitte Fontaine, tu sais. Oui, elle est bien. Hein. Après, je préfère l'original parce que j'aime bien le truc un peu électro en fait, ben, qu'à l'original. Je trouve que ça fait un peu bachot au son. Mmh. C'est vrai. Impudence, là, impudence, on sent un peu le côté impudence. C'est vrai. Mais il faut dire que il y a quoi faire aussi. Hein? Ouais. Donc, ouais. Parce que sa copine. Oui. C'est... Oui, oui, ben oui, bien sûr. Hey, j'ai une petite question, puis hâte de voir où ça va nous mener. Ah, ben vas-y, vas-y. Si tu étais un liquide. Alors, on voit que ça a voyagé, hein. Mais j'en ai plein c'est d'exemplaires. C'est le questionnaire. Oui, mais parce que je veux te dire, j'ai 10 exemplaires. Mais je veux garder celui-là parce que ça vécu, c'est bon. Ben ouais, c'est bon. Ben oui, carrément, carrément. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Ah, bon, ben moi je suis assez simple, je serais l'eau, hein. Parce que. C'est bien l'eau, j'aime bien l'eau. Ça va bien avec le piscine en plus. Ah bah ouais, bah là, il faut être il faut trouver le concept. Il faut trouver un concept, voilà, exactement. Si tu étais une ville. Ah, si j'étais une ville. Si j'étais une ville. Ah, j'hésite. J'hésite entre Bangkok et. Bon, donc on sent Pierre Fort et. Ah, il s'appelle Antoine parce que. Ah, il est plus branché Asie que moi. Oui, parce que, oui, mais c'est ouais, Bangkok, oui. Parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps le Bangkok. Là. C'est vrai? Oui, mais. Ben ouais. Non, sinon j'aime beaucoup Londres. C'est une ville que j'aime beaucoup parce que. Puis pour j'aime beaucoup la culture anglaise et. Ouais, je vais plutôt dire Londres. Londres? Ouais. On va laisser Pierre faire. Ouais, on va laisser l'Asie à Pierre. On va lui laisser son univers. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue, je serais. J'aime bien l'italien. Je trouve ça comme sexy. C'est sensuel, hein? Ouais, je trouve ça sexy. C'est incroyable. C'est, ouais. C'est gagné d'avance. Hein, ah ouais. L'italien, direct. Cause, c'est fini. T'es déjà. J'ai écrit une chanson en italien pour un court métrage et donc qui du coup s'est retrouvé sur mon deuxième album. On m'en parle toujours. Mais tu parles italien? Non, très peu. J'ai appris au lycée. Comment t'as fait pour écrire une chanson en italien? Je me suis rappelé un petit peu de Google Traduction et je me suis rappelé de quelques réminiscences. Ouais, mais est-ce que tu as fait? As-tu remis as-tu remis tes paroles à un italien? Oui, j'ai fait corriger avant. Ouais, ouais. Alors, il a validé. Oui, oui. Ok, ok. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de travail à faire? Non, parce que c'était quelques mots. Pour le coup, c'était parlé, ouais. C'était vraiment des bribes de texte. Un peu comme des flashs. C'est ça, exactement. Si tu étais une époque. Ah, si c'était une époque, oh, je serais des années 80. Bah oui, ouais. C'est notre époque. Ouais. C'est la mienne aussi. Ouais, ouais. Je serais vraiment les années 80. Musicalement, j'adorais, quoi. Je sais pas si c'est parce que je les ai vécu, mais ouais, j'adorais vraiment. On s'ennuie de Niagara, on s'ennuie ah, de ouais. Ouais, ouais. Vraiment, je trouve qu'il y avait une vraie créativité. Même s'il y avait des trucs nuls, mais il y avait toujours une sorte de folie, mais il y avait de légèreté. Une ritournelle, ah, hein, ouais. Lio, ça va très bien. Ah, ouais. J'adorais. Vraiment, musicalement, j'adore. Ce qui m'a plu, c'est à un moment donné, elle a bifurqué vers Jacques Prévert et elle sentait ça, c'était pas mal. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Alors, elle a sorti un album de reprise d'un chanteur brésilien, donc où elle chante en portugais, en brésilien. Et puis. Est-ce qu'elle utilise encore son nom de Lio? Ah oui, bien sûr, elle tourne encore beaucoup. Elle sort Paris. Alors, je sais pas, ça. Okay. À une époque, j'avais entendu dire qu'elle habitait à Bruxelles. Ok. Je me plonge dans les abîmes. La France, c'est fini. Birmingham et Bristol. Enfin, je décolle. Elle vient régulièrement à Paris parce que Cléa Vincent, qui a une émission sur la pop aussi, sur internet, l'a reçue il n'y a pas très longtemps. Ok, parfait. Donc, puis non, elle est sur Paris. Je pense qu'elle travaille, elle travaille toujours à Paris. Et si tu étais une époque 80, ouais. Si tu étais un mot. Ah. Si j'étais un mot. Chanson. Oh oui. C'est pas mal. Ben oui. Mais en plus, c'est l'émission des années 80, la chanson chanson. Le son, la chanson chanson. C'est vrai. Comme le chanteur prenait, et voilà. C'est vrai. Et ça, c'est un gros manque de plus entendre nos ancêtres, les chanteurs qui ont 80, 90 ans. Alors ça dépend lesquels. Hein. Moi, je trouve que. Moi, Marcel Lamont, tous ces gens-là. Alors, je suis pas du tout nostalgique de cette musique-là. Okay. C'est pas du tout ce que j'aime. Même Brel Brassens, tout ça, j'ai jamais aimé, en fait. Hein? Je sais que. Ouais, je sais pas. En plus, pour moi, c'était vraiment la musique de mes parents. Ok. Ah. Tu vois, donc du coup. C'est une réaction à tes parents, comme. Non, c'est pas une réaction à mes parents parce qu'ils écoutaient plein de trucs super bien, mais ça me plaisait pas quand j'étais enfant. Jean Ferrat, Nougaro, tout ça, ça me parlait pas du tout. Mais tu y retournes aujourd'hui, puis il y a encore un problème. En fait, j'y pense pas à y retourner. Okay. C'est surtout ça. Pour moi, c'est vraiment les mélodies qui priment, et du coup, j'étais. Voilà. Dans ce qu'ils écoutaient, j'aimais France Gall, Michel Berger, Véronique Sanson. C'est très pop. Voilà, c'est très pop. Mais c'est vrai que toute la chanson, un peu plus chanson, voilà, ça me parlait pas. Quoi. Si tu étais un aliment. Un aliment ? Oui. Si j'étais un aliment, je serais. Je serais des pâtes. Oui, l'Italie, ouais. Voilà. Mon petit déjeuner, c'est des pâtes à l'aliment. Ah bah voilà. Si tu étais une saison. Ah, si j'étais une saison, l'automne. J'aime bien l'automne. Puis les pâtes, c'est bien parce que quand t'as pas un rond, les pâtes, c'est pas ça. Ça, voilà. Exactement. L'automne, pourquoi? Parce que toutes les maisons. Non, parce que j'aime bien les couleurs d'automne. Je trouve ça plus beau. Et, ah oui, tu fais de la photo. Ouais. Et puis j'aime bien, j'adore l'atmosphère à l'automne quand il commence juste à faire froid mais pas trop et qu'on peut se balader dans Paris entre chien et loup. J'ai toujours adoré ça. Genre vers 18h de se balader quand il commence juste à faire un peu froid, j'adore ça. C'est vrai. Puis après chaud, tu vas prendre un petit coup. Ouais, exactement. Ben, ouais. Ouais. Un vin chaud. Ben, oui, la vie est belle. Si tu étais un membre corporel. La main pour écrire et faire de la photo et tout quoi. Signer des autographes. Pourquoi pas? Ben voilà, donc. Si tu étais un moment de la journée. Si j'étais un moment de la journée, le petit déj, j'adore ça. Quelle heure? Dès que je me réveille, moi. Donc, suivant l'heure à laquelle je me réveille. Et tu es un couche-tard ou Non, je ne suis pas un couche-tard. Et je ne suis pas un lève-tard non plus. Je me couche non pas très tard, vers minuit, une heure. Et si je travaille pas, je me lève vers 8 heures. Quoi. Ouais. Non, je suis pas un gros fêtard. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. As-tu un travail alimentaire aussi qu'on consacre à ça? J'en ai eu un pendant longtemps. J'ai travaillé dans la mode pendant assez longtemps. Et j'ai arrêté il y a 2 ans. Et là, je recherche du travail. Là, tu cherches encore un boulot alimentaire. En fait, en France, quand tu peux toucher le chômage pendant 2 ans, quand tu négocies avec ton employeur. Ouais. Donc, j'ai profité de ça, du coup, pour faire des disques. Et là, ça se termine bientôt. Ça se termine au mois d'août. Donc là, il faut que je retourne travailler en septembre. Est-ce que ça te stresse de ne pas rien trouver? Oui et non. Non, parce que je sais que je trouverai quelque chose. Mais tu peux pas en vivre de ta musique? Non, malheureusement. Faudrait que je tourne plus. Mais pour tourner plus, il faut être un peu plus connu. Il faut avoir un tourneur et tout ça. Ce qui est en tout cas, pour l'instant, pas possible. enfin en tout cas pas... pas pour toi. J'ai pas trouvé pour l'instant. Okay. Ouais. Si tu étais un autre individu. Connu ou inconnu? Bah, j'aurais bien aimé être Françoise Sagan. Je pense qu'elle s'est... Elle a souffert, mais elle s'est bien amusée quand même. Elle a vécu à 5000 à l'heure. Ouais. Et je pense que j'aurais bien aimé avoir ce... Je suis quelqu'un d'assez raisonnable. Du coup, je suis toujours très admiratif des gens qui ne sont pas. Elle a un culot, hein? Ouais. Elle avait un culot. Elle ouais. avait... J'adore vraiment les gens qui suivent pas les règles, qui s'en foutent. Parce que moi, j'ai jamais eu ce courage-là. Et, du côté anarchiste. Ouais. Mais en même temps, anarchiste bourgeoise. Donc, c'est confortable. Bah, confortable. Voilà, bah, elle a eu des problèmes de fric à la fin de sa vie. Mais, bah, elle a mis tout le monde sur la paille. Hein? Voilà, encore c'est ça. Aujourd'hui, ouais. Ses enfants payent. Donc, ouais. Mais du coup, je trouve ça, j'aime bien les gens comme ça. J'ai toujours été très admiratif des gens comme ça. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ah oui, ouais, ouais. Bah oui, parce que la musique, ça m'a... Voilà, c'est vraiment venu par hasard. J'avais pas du tout prémédité, donc j'ai saisi cette opportunité, bon, qui m'a permis en tout cas d'assouvir mes fantasmes créatifs et de... Et ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Es-tu un intermittent ou si t'as pas encore... Non, je suis pas intermittent. Alors en fait, pendant longtemps, c'était un choix. Je voulais pas être obligé justement de faire... comme j'avais un travail alimentaire qui me laissait quand même du temps pour la musique, j'avais ce luxe de... Enfin, ce luxe en tout cas, j'avais fait ce choix-là de pas... de travailler à côté et de pour pas être tributaire justement de... Pas tourner pour tourner. Voilà, de pas faire des choses qui m'auraient ennuyé. Maintenant, j'aimerais plus l'être, ouais. Et mais, tu travailles pour... Bah en tout cas, l'idée de faire ce projet sur Françoise Sagan, c'est aussi pour... parce que je pense que ça me permettra de faire plus de dates. Parce que... fait une date aujourd'hui, là? Alors, mais là, ça je... fait-tu partie... Non, là, c'est pour Emma. J'ai joué la semaine alors, dernière. Alors, tu fais ça bénévolement? Enfin, non, elle me paye. Okay. Oui, bien sûr, non. Bah, mais ça compte pas, ça, pour... Bah, en tout cas, il en faut... Enfin, ça, ah, oui, beaucoup, il en faut là. Beaucoup, ah, ouais, oh, ouais. Oh, oui. Il faut 43 cachets pour être intermittent. Oui. Mais là, ça peut être un par oui, ça fait un, mais je l'ai. Du coup, il m'en faudrait beaucoup, beaucoup oui, d'autres. Oui. Mais non, l'idée, voilà, c'est aussi de faire un spectacle... parce qu'en fait, sur mon nom à moi, je peux pas vendre une tournée. Enfin, voilà, je suis pas assez connu pour faire ça. Mais par contre... le faire avec un projet où il y a déjà un nom de connu, ça peut intéresser plus de gens. Ah, oui. Donc ça peut aussi m'aider pour ça. Même si je le fais pas pour ça, je le fais vraiment parce que c'est un projet artistique qui m'intéresse et où je pense que je peux y apporter quelque chose et que ça peut faire vivre ces chansons surtout d'une autre manière. Mais je pense que c'est plus simple d'attirer les gens sur le nom de Françoise Sagan que sur le mien. Voilà pour du coup ça peut les deux projets peuvent se servir. Enfin, les deux choses peuvent se servir et voilà. Mais, ça peut s'auto-alimenter. Exactement. Et puis je pense que voilà, c'est même tu vois, j'adorerais venir au Québec tourner, mais personne ne me connaît. Par contre, si j'arrive avec un projet sur Françoise Sagan, peut-être que voilà, ça intéresserait plus. Sagan. Voilà, tu ouais, vois. Donc il y a cette idée-là de voilà. La carte de visite Françoise ouais. Sagan. Et puis le fait que bon que j'ai pas rien fait non plus, j'ai quand même fait 3 albums. Donc ouais. Derrière, si ça peut permettre aux gens de découvrir mes albums, tant mieux. Mais voilà. Donc, Nicolas, j'ai été heureux de te rencontrer. Eh ben moi aussi, ravi. Je vais te laisser parce que tu dois aller faire des prises oui, de son. Avant... Là ça va, j'ai encore, j'ai encore 5 minutes. Mais c'est ça, mais il faut quand même pas stresser parce que la vie est assez comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis ben on se dit à l'Arboyeux. Ben oui, avec grand plaisir. Peut-être comme Pierre Fass, si tu es disponible, on se rencontrera chaque année pour voir à quel endroit. Avec grand plaisir. Parce que c'est toujours un plaisir ouais, de avec vous grand plaisir. Parce que vous êtes vraiment dans le même noyau. Donc, ah oui, oui. Bah, pour le coup, avec Pierre, on a beaucoup de points communs. Parce que, selon Pierre, tu es un de ses grands amis. Ah oui, oui, c'est vrai. Puis, Pierre, c'est quelqu'un, tu vois, je parlais de Bertrand Burgala tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est très généreux aussi avec ses amis, avec les gens qu'il connaît. C'est quelqu'un qui... C'est grâce à lui que j'ai rencontré Valentin, avec qui j'ai produit l'album. C'est quelqu'un qui sait mettre en relation les gens, qui cerne de manière très fine les univers de chacun et qui sait comment c'est quelqu'un qui est pas du tout dans ça qui garde pas les choses pour lui quoi. C'est quelqu'un de très généreux que j'aime beaucoup très humaniste ouais et puis qui poursuit son bonhomme de chemin qui a un parcours artistique très à lui avec les hormones son étiquette avec son nom ouais vraiment c'est quelqu'un de très généreux que j'aime beaucoup aussi hein. il te fait dire salut. Ah ben. Comme je t'ai dit en début d'émission. Donc, quand il m'a dit je suis un de ses. Je le considère comme un de mes grands amis, je ne peux pas lui dire. Ben, c'est gentil. Parce que je trouve ça touchant. Mais ah ben, moi, je suis très touché. Ouais. Je suis très touché. Ouais, alors, ouais. Je le considère aussi comme un grand ami. Donc, je lui renvoie le compliment. Alors, à l'année prochaine, peut-être pour d'autres projets. Avec grand plaisir. Peut-être que ton album sera sorti, ton quatrième opus. Ben j'espère. En tout cas, peut-être le projet sur Sagan. Le mien, oui, peut-être. Le mien, je sais pas. Okay. Mais en tout cas, j'y travaille. Ouais, j'espère. J'espère Excellent. Que j'aurai des nouvelles choses à te faire écouter d'ici. On a toujours des choses à dire hein, quand on est toujours. Créateur. Ben toujours. Nicolas, à l'arvoyeux. À bientôt. Puis, merci de ta générosité. Merci à toi. Salut, bye. À bientôt. We'll be right back.